Il suffit d'un sourire, le meilleur sans le pire, pour savoir oublier les blessures du passé. Il suffit d'un silence entre deux confidences pour graver l'essentiel. L'amitié éternelle. Il suffit de donner ce que les hommes ont perdu tout au fil des années, de l'amour, rien de plus. Il suffit d'un regard pour chasser les brouillards d'une ancienne tristesse embrumée de faiblesse. Il suffit d'un pardon, parfois d'une chanson, pour que tout l'éclair de l'urgence. Il suffit de donner ce que les hommes ont perdu tout au fil des années, de l'amour, rien de plus. Dans le jour qui se lève, pour qu'enfin le soleil nous éclaire de merveille. Il suffit de tes mots sur mon cœur, bien au chaud, pour croire en l'essentiel. Et puis à l'éternel. Il suffit de donner ce que les hommes ont perdu tout au fil des années, de l'amour.